إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة الكرام مع صحابي جليل وهو عبد الله بن مسعود، حبر هذه الأمة، وهو من الذين قال فيهم الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أولئكم هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولنصرة دينه، حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أحبهم وسلك سبيلهم سعيد في الدنيا والآخرة. فهنا الله عز وجل نسهم تجور avec l'un de ces hommes, avec Abdullah ibn Mas'ud, qui est l'éminence de la science de cette communauté. Il est un des grands récipients de la science de cette communauté. Il fait partie de ces hommes dont la description nous a été donnée dans le Coran. Et le verset nous dit ceci: il est des croyants qui sont véridiques dans le pacte qu'ils ont fait à Allah Azza wa Jal. Il y a parmi eux ceux qui sont morts, il y a ceux qui attendent, ils n'ont rien changé. Véridiques dans le pacte qu'ils ont fait, ils n'ont rien changé. Ceux-là, ce sont les compagnons du prophète alayhi salam. Ceux-là, ce sont des hommes que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour accompagner, pour l'accompagner de son messager alayhi salam, et pour faire triompher sa religion. Le fait de les aimer fait partie de la religion. Le fait de les aimer, c'est la foi. Le fait de les aimer, c'est la bienfaisance. Et le fait de les détester, c'est de la mécréance et c'est de l'hypocrisie. Et c'est le fait de dépasser ses limites. Les compagnons de Mohammed alayhi salam, ce sont des hommes. Celui qui les aime et prend leur chemin, il aura le bonheur dans ce bas monde et dans le-delà. Celui qui les déteste et qui prend un autre chemin que leur chemin, il sera malheureux dans son bas monde et dans le-delà. Et ceci, les preuves sont nombreuses. Pour cela, les preuves sont nombreuses dans la parole d'Allah Azza wa Jal et dans l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam. فالبارحة وقفنا مع مواقف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في البدعة وعن مواقفه أمام البدعة وأمام المبتدعة، فكيف لا يكون كذلك؟ فعبد الله بن عباس رضي الله عنه كان حربا على البدع وأهلها، كيف لا؟ وهو الذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحذر من البدع فيقول: إياكم ومحدثات الأمور. ويقول صلى الله عليه وسلم في خطبه: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وزاد النسائي: وكل ضلالة في النار. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Donc hier, nous nous sommes arrêtés avec les positions qu'avait Abdullah ibn Mas'ud contre l'innovation et les innovateurs. Abdullah ibn Mas'ud était l'un des hommes qui faisait la guerre à l'innovation et aux gens de l'innovation. Et ça ne peut pas être autrement. Car il entendait de la bouche du prophète alayhi salatu salam, il entendait le prophète alayhi salatu salam avertir contre l'innovation et contre les innovateurs. Il a entendu le prophète alayhi salatu salam dire attention à toute nouveauté dans les situations. Attention à toute nouveauté. Ceci concerne les nouveautés dans la religion. Ça n'a rien à voir avec les nouveautés dans les choses mondaines. Et il a entendu le prophète alayhi salatu salam dans ses exhortes dire, et la meilleure des paroles étant le livre d'Allah Azza wa Jal, et la meilleure des guidées étant la guidée de Muhammad alayhi salatu salam, et les pires des situations sont les nouveautés, et toute innovation est un égarement. Et chez Nasa, il y a une parole de plus qui dit, et tout égarement est voué au feu de l'enfer. Et Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, il a entendu aussi de Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam dire, celui qui ramène des choses qui ne sont pas dans nos enseignements, dans notre enseignement, il lui sera rejeté. Et Abdullah ibn Mas'ud a compris ces orientations du prophète alayhi salatu salam, et comment il faut utiliser ces orientations du prophète alayhi salatu salam. C'est pour ça qu'il a été un rempart contre l'innovation et les innovateurs. Radiallahu ta'ala anhu wa arda. ويقول الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي اليمني حفظه الله تعالى يقول في كتابه القول المفيد على أدلة التوحيد في الصفحة 185 يقول بعد ذكر هذين الحديثين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول حفظه الله تعالى ومتع به تفكر يا أخي المسلم في هذين الحديثين الصحيحين النبويين الشريفين اللذين خرجا من مشكات النبوة وأمعن النظر فيهما تجدهما شفاء لك إن شاء الله من كل بدعة أحدثت في دين الله عز وجل. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حكم على كل بدعة بأنها ضلالة ولم يقل بعض وبعض وإنما قال كل وكل يا أخي من ألفاظ العموم. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود ولم يقل على حسب نية صاحبه بل حكم عليه بأنه رد. Et écoute frère en Allah Azza wa Jal, cette parole et ces points à retenir qu'a retenu le Cheikh, l'éminence Mohamed ibn Abdul Wahhab, le Wassab, il y a mani qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Cet homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que Cheikh Mouqbil Hafidha rahimahullah ta'ala a conseillé au président du Yémen de le prendre comme mufti. Il a dit Hafidha Allah ta'ala dans son livre « Al-Qawl al-Mufid » في أدلة التوحيد على page 185 ميديت فريغون الله عز وجل sur deux hadiths authentiques, à savoir le hadith celui qui innove quelque chose dans nos enseignements et cette chose n'est pas dans nos enseignements, ben il sera rejeté. Et l'autre hadith, celui qui œuvre une œuvre qui n'est pas dans notre enseignement, il lui sera rejeté. Et les deux hadiths sont authentiques. Et il dit que ces deux hadiths, frère en Allah, Azza wa Jal, médite-les. Car ils sortent de la bouche du prophète, alayhi salam. Ils sortent de l'essence de la prophétie. Et il dit, médite-les très bien et très fortement. Tu vas trouver qu'ils sont un remède et une guérison, incha'Allah, de toute innovation qui a été, de toute chose nouvelle qui a été innovée dans cette religion. Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a décrété que toute innovation est un égarement. Il n'a pas dit sauf celle-ci ou sauf celle-là, ou certaines innovations et non pas d'autres sont un égarement. Mais il a dit toute innovation est un égarement. Et il a employé le terme cool. Et le terme cool qui veut dire toute, il fait partie des expressions pour désigner le général, dans lequel il n'y a pas d'exception. Cool. Hein? Et là, dans les textes du prophète alayhi salatu salam, il n'y a aucune phrase qui est venu conditionner ou la dire ceci ne fait pas partie des innovations sauf ceci ou sauf cela, il n'y a pas. Mais le texte est resté général, cool, toute innovation est un égarement. comme la parole du prophète alayhi salam qui dit, celui qui fait une œuvre sur laquelle il n'y a pas notre enseignement, qui ne découle pas de notre enseignement, il lui sera rejeté. Et il n'a pas dit, alayhi salatu salam, comme le dit Cheikh ici, les personnes dans leur œuvre, selon, on les prend, hein, selon leurs intentions. Loin de là. Mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a décrété que celui qui œuvre une œuvre qui n'est pas dans les enseignements de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, que cette œuvre lui sera rejetée. Sans prendre en considération l'intention. فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ لَيْسَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَلَيْسَ كُلُّ عَمَلٍ أُحْدِثَ فِي الدِّينِ فَهُوَ مَرْضُوضٍ فَقُلْ لَهُ مَنْ أَعْلَمْ أَنْتَ أَمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ ومن أتقى لله أنت أم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ici quelqu'un vient de te dire, cher, de te dire, ici quelqu'un vient de te dire maintenant, toutes les innovations, pas, ce n'est pas que, pas toutes les innovations sont des égarements. Et il te dit, pas tout acte est un acte d'égarement dans la religion. Pas tout acte innové dans la religion est un égarement. Et pas tout acte que tu fais qui n'est pas dans les enseignements de Mohammed alayhi sallam est rejeté. Il faut lui dire, comme il dit cher ici, est-ce que c'est toi qui sais ou le prophète d'Allah? C'est toi qui sais ou le prophète d'Allah azza wa jal? Est-ce que c'est toi qui préserve au mieux les droits d'Allah azza wa jal ou Mohammed alayhi sallam qui a dit toute innovation est un égarement? فإن قال بصريح هذين الحديثين واعتقدهما وعمل بهما بما فيهما فداك وإن كان لا يزال مصرا على قوله الأول بأنه ليس كل بدعة ضلالة وليس كل أمر محدث في الدين مردودا فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شق يقول كل بدعة ضلالة ويقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وأنت في الشق الآخر تقول ليس كل بدعة ضلالة وليس كل عمل محدث في الدين مردودا فقل له هذه منك مشاقة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكره بقول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Et c'est après que tu le mets devant le fait accompli. S'il met en application, hein, la signification de ces deux énormes hadiths, et s'il croit, il met en application ces deux hadiths, c'est une bonne situation pour lui. Et c'est tant mieux pour ce frère. Et s'il s'entête sur sa parole comme quoi il y a des innovations qui ne sont pas des égarements et qu'il s'entête que pas toutes les situations qu'on innove dans la religion sont rejetées à la personne, dans ces cas-là tu lui dis Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans une voie et toi tu as pris une autre voie qui est contraire à la voie de Mohammed alayhi wa sallam, car Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit toute innovation est un égarement, et il dit celui qui œuvre une œuvre qui ne découle pas de notre enseignement, il lui sera rejeté, cette œuvre lui sera rejetée. Et toi, tu es de l'autre côté, tu es en train de dire que pas toutes les innovations sont un égarement, et pas tout acte innové dans la religion n'est pas rejeté. Tu lui dis, ça, de ta part, en agissant ainsi, tu as pris une autre voie que le prophète, alayhi salatu salam, et tu lui rappelles ce verset de Allah, Azza wa Jal, dans surat Nisa, qui dit, hein, et celui qui prend une autre voie que la voie de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, après avoir connu la guidée, il soit un autre chemin que le chemin des croyants. Celui-là, nous allons lui faire l'alliance avec ceux avec qui il a cherché alliance. Et sa demeure sera le feu de l'enfer. Et quelle mauvaise demeure. Fansallah subhanahu wa ta'ala intawfana wa iyyakum al-kitabi wa sunnah. ومنهج سلف هذه الأمة وينجينا من البدع كلها ما ظهر منها وما بطن. ثم ذكر حفظه الله تعالى أي الشيخ محمد الوصابي فائدة لابن القيم في كتابه مدارج السالكين في المجلد الأول صفحة 224 فقال فإن البدعة تستدرج بصغيرها إلى كبيرها وهذا حق. رأيتم ماذا من بدعة الذكر والتجمع على الذكر؟ أولئك هم الذين تجمعوا في الحلق، ها؟ كانوا أكثرهم كان مع الخوارج حاملا السيف على علي وعلى صحابة رسول الله. فإن البدعة تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تنسل الشعرة من العجين. فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر، والعميان ضالون في ظلمة العمى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. انتهى ما نقله الشيخ الوصابي حفظه الله تعالى من مدارج السالكين لابن القيم رحمة الله عليه. إلى دون سو باساج شيخ محمد الوصابي حفظه الله تعالى نغامين ان بوان غوتونيغ دون لي بارول ديال ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه دون مدارج السالكين لو بروميي توم باج 224. إلى دي ابن القيم دي et toutes les bidah qu'elles soient petites ou grandes font que ça, la personne petit à petit va s'éloigner de la religion, peut-être en sortir, comme se tire facilement le cheveu de la pâte. La pâte à pain, autre pâte, tu peux sortir un cheveu facilement, tu peux le tirer facilement. Et le mal des innovations ne connaît et ne sait réellement le mal et les points néfastes de l'innovation que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de clairvoyance. Et les aveugles sont dans les ténèbres de leur aveuglement. Et dans Surat Nour, il cite ce verset, et celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas de lumière, mais il n'aura pas de lumière. Personne ne peut rien pour lui. Il baignera dans les ténèbres. Et regarde cette parole très importante. Les innovations petites ou grandes amènent vers le fait de s'éclipser de la religion, de s'éloigner de la voie droite, et peut-être la personne sortira de la religion. Voyez, qu'est-ce que nous avons vu? Ceux, les cercles, hein, qui se sont réunis pour l'invocation, les invocations qui ne sont pas dans la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Et comment il a été ferme avec eux, Abdullah ibn Mas'ud. Et le rapporteur du hadith dans sunna d'Arim, il dit que la majorité de ces gens-là, qui étaient dans le cercle, étaient dans une petite innovation, qui apparaît aux gens comme petite innovation. Mais ces gens-là, partant de cette petite innovation, ils ont sorti leurs épées de leur fourreau et ils les ont utilisées contre Ali radiallahu ta'ala anhu, qui était l'émir des croyants, et les compagnons de prophète alayhi salam qui étaient dans le camp de Ali. Ils étaient avec le khawarij. Petite innovation les a amenés à faire couler le sang des compagnons de prophète alayhi salam et à prendre les armes contre Ali, contre le khalif, le quatrième khalif de cette communauté. Pour ça, qu'il ne faut pas négliger l'innovation. Il ne faut pas la négliger. Non, le pauvre, il veut du bien. La yakha l'islam. Qu'il veuille du bien, son intention, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Mais ça, c'est une religion. On doit se rapprocher d'Allah azza wa jal et conseiller les gens ce qui est authentique, ce qui est la sunna, et avertir les gens contre l'innovation et les gens de l'innovation. وَالْبِدْعَةُ وَحَبُّ إِلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْمَعْصِيَةِ الْكَبِيرَةِ. لأن صاحب البدعة لا ينتهي منها غالبا ويعتقد أنها دين وأنها قربة لله سبحانه وتعالى، بخلاف صاحب المعصية فإنه قد يقر أنه على خطأ، وبعضهم قد يتوب منها، فاستبان الأمر أن البدعة أخطر من المعصية. لذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يحذرون منها غاية التحذير، فقد ذكر الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة آثارا عن السلف في التحذير من أهل البدع، فكقول الفضيل بن عياض رحمه الله: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال أيضا: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. وقال: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف عليك اللعنة. وذكر أبو عمرو الداني رحمه الله في الرسالة الوافية بسنده إلى أبي الجوزاء أنه قال: لأن يجاورني في دار هذا قردة وخنازير حيوانات أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء. ولقد دخلوا في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. وهذا قليل من كثير من كلام السلف رضوان الله عليهم في التحذير يعني من البدع. البدعة سي سكو الشيطان ايم لو بلوس. Quand Shaitan ne peut pas jeter la personne dans la mécréance et dans l'associationnisme, il veut de lui qu'il reste dans l'innovation. Et Shaitan, il préfère l'innovation et il aime bien l'innovation plus que le péché capital. Parce que celui qui est dans l'innovation, en général, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala veut son bien, il n'en sort pas. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala décrète qu'il sort. Il croit que ce qu'il est en train de faire, c'est une religion. Et que ça, c'est avec son innovation, il voit qu'il est en train de se rapprocher plus d'Allah, Azzawajal. Contrairement à celui qui est dans un péché capital. Nous voyons, il est réprimandé de l'intérieur. Il voit qu'il n'est pas dans le bien. Il ne se sent pas bien. Contrairement à l'innovateur. L'innovateur, dans ce qu'il fait, il se sent très bien. Il s'entête. Et il est fier de ce qu'il est en train de faire. Hein? Il débat avec toi. Il tord le cou au texte pour confirmer ce qu'il est en train de faire. Quant à celui qui est dans une désobéissance, dans un péché capital, Allah subhanahu wa ta'ala peut-être qu'il va revenir vers Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala acceptera son repentir. Enfin, l'innovation est beaucoup plus dangereuse que la désobéissance, que le péché capital. C'est pour ça que Salaf radhiyallahu anhum dans leur livre était très ferme dans l'avertissement contre les innovateurs et l'innovation. Al-Barbahari, rahimahullah ta'ala, de nous citer dans Sharh Sunnah, certaines paroles de nos plusieurs, d'Allah alayhim, dans l'avertissement, et comment ils étaient fermes dans leur avertissement avec les gens de l'innovation. Et il cite cette parole de Fudail ibn Iyad qui dit, celui qui aime un innovateur, Allah subhanahu wa ta'ala vilit son acte. Et enlève, et sort la lumière de l'islam de son cœur. Énorme. Toutes ces paroles, c'est pas des paroles dures, ce sont des paroles pour t'avertir contre quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas, qui est l'innovation, qui est le fait d'être dans des actes qui sont contraires à Muhammad alayhi salatu wassalam. Et il a dit aussi qui, Fudail ibn Iyad, rahimahullah, celui qui s'assoit avec un innovateur et un da'i à l'innovation, quand tu le vois dans un chemin, prend un autre chemin que son chemin. Et il a dit, rahimahullah, ne t'assois pas avec un innovateur, car j'ai craint pour toi la malédiction. Hein? Et on verra l'attar dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala maudit les innovateurs. Ainsi que les anges. Et il nous rapporte aussi de Abu Amr Dani, dans Risal al-Wafiya, avec sa chaîne de transmission Abil Jawza, il a dit, je préfère que mes voisins soient des singes et des porcs, des animaux. C'est mieux pour moi. Et je préfère ça que mon voisin soit quelqu'un de l'innovation. Et des gens, et que ce soit des gens de l'innovation qui soient mes voisins. Il préfère que ce soit des animaux. Comme le porc. Et comme, hein, le singe qui soit ses voisins que des innovateurs et des gens qui suivent leur passion. Et il a dit que les gens de l'innovation rentrent dans ce verset, dans Sourate Al-Qur'an. Dans Surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala avertit les croyants et leur dit, « Ou vous qui avez cru, ne prenez pas des alliés intimes en dehors de votre voie, en dehors de votre religion. Hein? » Fa ikhwat al-Islam, awdatan ila Abdullah ibn Mas'ud, fa kana harban ala al-bid'ah, wa ala ahli al-bid'ah. وكذلكم كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا الله عز وجل غفنوا عبد الله بن مسعود. الله بن مسعود était un guerrier contre les innovations et les innovateurs. Et ainsi étaient tous les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام. Que الله سبحانه وتعالى les agrée. Et que الله سبحانه وتعالى les récompense comme il se doit. فهذا الصديق رضي الله عنه وارضاه يقول في خطبته إنما أنا متبع ولست بمبتدع فإن استقمت فتابعوني وإن زغت فقوموني. Voici maintenant le plus noble des compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام et le plus proche et l'ami intime du prophète عليه الصلاة والسلام, le véridique, Le sommet du véridique après les prophètes alayhi sallatou salam, qui est Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu arda, et qu'on déplaise à Rawafid qui ne l'aime pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les châtie comme il se doit, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala coagule le sang dans leurs veines. C'est le véridique de nous dire, et de dire dans l'une de ses khutbas, comme il est rapporté, je ne suis que quelqu'un qui suit, et je ne suis pas un innovateur. Je suis quelqu'un qui suit, et je ne suis pas un innovateur. Si je vais dans la droiture, suivez-moi. C'est-à-dire, si je suis sur la voie du prophète, suivez-moi. Et si je dévie à droite ou à gauche, remettez-moi sur les rails. Qui a dit ça? Abu Bakr Siddiq. Yallah. Hada, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de suivre Abu Bakr Siddiq, Omar et Uthman, les sabiquins, les awaloun, min al-muhajirin et al-ansar, et les dînes taba'oum bi'ihsan. Et les premiers parmi les émigrés et les alliés de Médine, Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Et si on veut leur agrément, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les suivre à la perfection. Maintenant, on demande à ces innovateurs et aux têtes de l'innovation, d'yal l'ikhwan, d'yal tablir, d'yal, qu'est-ce que vous faites de cette parole d'Abu Bakr Siddiq? Est-ce que si vous êtes sur une autre voie que la voie de Muhammad alayhi sallatou salam et la voie sur laquelle était Muhammad alayhi sallatou salam et était ses compagnons et à leur tête les khalifs bien guidés, est-ce que vous avez mis en application ce verset وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ où là vous êtes en contradiction avec ce verset? Réfléchissez. Hein? La situation n'est pas comme je veux, comme veut mon chef, mais mon chef sait mieux que moi. Mon chef, il a de la science, il sait mieux que moi. S'il avait de la science réellement à l'islam, il ne serait pas en divergence avec Mohammed alayhi sallatou salam, il ne serait pas en divergence avec Abu Bakr, il ne serait pas en divergence avec Omar, il ne serait pas en divergence avec Uthman, il ne serait pas en divergence avec Ali, avec Muawiya, avec Abu Huraira, avec Abdullah ibn Omar et les autres. وهذا الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو من هو كان إذا مر في فج مر الشيطان في فج آخر يقول إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا فجاء عند اللالكائي وفي سنن دار قطني وغيرهم من أئمة الدين. Et voici maintenant le Farouk, Omar ibn al-Khattab, le deuxième homme de cette communauté. Hein? Celui qui passe dans une rue, Shaitan ne prend pas cette rue. Il va ailleurs. Il dit, faites attention aux gens de l'opinion, à ceux qui les suivent, leurs avis, qui y mettent des avis d'eux-mêmes. C'est-à-dire des avis qui sont contraires au livre d'Allah, et à l'authentique de la sunna du prophète, et à la voix du puiseur d'Allah, alayhi. Ceux-là, ce sont les ennemis de la sunna. Ils ne peuvent pas mémoriser les hadiths, ils ne peuvent pas apprendre et mémoriser les hadiths, et ils ont utilisé leurs opinions et leurs raisons. Ils se sont égarés, ils ont égaré. Comme s'il vient avec nous, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Qu'est-ce qui a causé notre perte maintenant? L'opinion. Moi, je vois que la communauté a besoin de ci, et mon avis pour sortir de cette... C'est ça, Audubillah. À tel point que même les ignorants, ils font des cercles de concertation dans leur mosquée, tablir, ils demandent aux ignorants leurs opinions, subhanallah, sur des choses qui sont décrétées dans la parole d'Allah et dans l'authentique de la sunna du prophète, alayhi sallatou salam. Par exemple, qui doit enseigner ou qui doit lire dans la semaine Riyad Salihin et ceci, devant tout le monde? Qui doit le lire en général, Riyad Salihin? Celui qui sait. Celui qui doit être au devant de la scène. Celui qui sait. Donc, il n'y a pas besoin de bac plus 5. Ah, il sait. Il a la science. Il a appris. Ben, on le met en avant. C'est lui de prendre. Mais pas l'ignorant qui, tu viens de le ramener du bar. Il n'a même pas le biaba de la langue arabe. Et tu le mets au devant de la scène. Qu'est-ce que ça veut dire? Et tu fais une choix pour ça, tu demandes à tout le monde son avis. Où est-ce qu'on va? Comment vous voulez qu'on sorte? Comment vous voulez qu'on ait l'honneur et la suprématie alors qu'on est en divergence avec la voix de nos puiseurs d'Allah alayhim, avec la voix de nos messagers alayhi sallatou salam? Et les autres, Hadaï, c'est un beau parleur, et il a des raisonnements politiques et sociaux, hein, et il a de la philosophie, il sait comment embobiner les gens, on le met en avant. Même si ses paroles, c'est des catastrophes, qui, des fois, sans antépode par rapport à la parole d'Allah et à l'authentique de la sunnah du prophète, mais parce qu'il fait partie de notre groupe, etc., et parce que c'est ce que nous voulons, et hein, les passions, ben, on le met en avant. Et dans ces cas-là, par rapport au conseil d'Abu Bakr Siddiq, et par rapport à la parole au conseil d'Omar ibn Khattab, on est où? On est en divergence avec. Et si on est en divergence avec eux, est-ce qu'on aura un bien? Al-khayru kullu al-khayri fi ittiba'i man salaf. والشر كل الشر في ابتداع من خلف. Le bien est tout le bien, comme l'a dit le plus d'un parmi nos plusieurs d'Allah, c'est dans le suivi de ceux de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhi. Et le mal est tout le mal, c'est dans l'innovation de ceux qui sont venus après eux. Subhanallah. Où sont parties nos raisons? وهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والتبدع. هذا أخرجه ابن وضاح والمروزي رحمة الله عليهم جميعا. Écoute maintenant la parole de cette éminence de la science et cette exégète du Coran par excellence qui est Abdullah ibn Abbas, l'emblème de ceux qui cherchent la science. Ça doit être l'emblème de ceux qui cherchent la science, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu arda. Mais tous les compagnons du prophète alayhi salam, ce sont nos emblèmes et nos modèles que nous devons essayer d'imiter. Au moins les aimer, car ce que celui qui aime quelqu'un, il sera avec le jour de la résurrection. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma nous dit, il faut que vous vous compreniez à la droiture et à la preuve, l'afar, et à la preuve. Il y a la trace de qui? Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Il y a attention à l'innovation. Hein? Ils sont unanimes. Être dans la droiture, dans Sirat al-Mustaqim, dans la voie de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Hein? Et suivre, et se cramponner à la preuve. Allah a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et de faire très attention, de s'éloigner de l'innovation. وهذا ابن عمر رضي الله عنهما يقول كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة الله أكبر. Et voici Abdullah ibn Omar qui dit de nous dire aussi, tout égarement, toute innovation est un égarement, même si les gens voient le bien dans cet égarement. Combien de gens ils te disent, Jamaat Tabligh ont ramené les gens du bar, même si tu vois le bien, ben c'est un égarement. La voie est basée sur l'égarement et à l'islam. وهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام خان الرسالة. لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول رضي الله عنه وأرضاه فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. يلا. Voici maintenant l'imam Malik rahmatullah alayh, l'un des emblèmes de la science aussi, une montagne, un des imams de la guidée, qui a vécu à l'époque aussi, qui a reçu l'éloge minallah azza wa jalla de son message alayhi sallatu wassalam. Il dit, celui qui innove, une innovation dans l'islam, et qui voit que ça c'est une bonne chose, qui voit que son innovation c'est une bonne chose, celui-là a prétendu que Mohammed alayhi sallatu wassalam a trahi le message. Énorme la situation. Hein? S'ils emploient, si nos puiseurs d'Allah alayhi emploient des termes pareils, c'est pour nous avertir et attirer notre attention. Et malgré tout ça, avec tous ces termes, hein? Regardez les innovations qu'il y a dans la communauté. Comment quelqu'un peut être qui est dans ce bas monde et dans le delà, alors que il prétendra d'avoir ramené quelque chose qui est mieux que ce qu'a enseigné Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qu'a transmis Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas-là, il est en train de dire que la religion n'est pas complète. Et moi, par mon intelligence, je la complète, cette religion. Hein? Et il ramène comme preuve, rahimahullah, aujourd'hui je vous ai parachevé votre religion. Et je vous ai comblé de mon bienfait. Et je vous agrée l'islam comme religion. Et il dit, rahmatullah alayh, ce qui n'a pas été une religion hier, ne pourra pas être une religion aujourd'hui. La même chose pour nous. Ce qui n'a pas été une religion hier, à l'époque de Mohammed alayhi salam et ses compagnons, il ne pourra pas être une religion pour nous aujourd'hui. Subhanallah. Où est-ce que nous sommes? À tel point que l'émir d'Yal Jama'at Tibligh, il est venu dans l'une des mosquées dans le sud, à Bagnol, dans la région d'Avignon. Il a dit ceci. Par Allah, il a dit, « Wa billahi wa tallahi wallahi » Si un travail est bon, et même si le prophète ne l'a pas fait, il faut le faire. Subhanallah. Fais le serment. Wallahi wa billahi wa tallahi. Que si un acte est bon, et que même s'il n'a pas été fait par le prophète, on peut le faire. Subhanallah. Comment un acte qui rapproche Allah, Zawajil, peut être bon, ou le prophète ne l'a pas fait? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'a transmis le mar, radiallahu ta'ala, nous a montré comment faire ses besoins et comment se nettoyer après ses besoins. Ya subhanallah, un prophète qui nous a montré ce détail, il a omis les moyens de dawa, comment il faut faire dawa. Il n'a pas enseigné à la communauté comment faire dawa. Comment se rapprocher d'Allah, azzawajal, comment s'éloigner de ses châtiments. Ya ibadallah, où sont nos raisons? Hein? Et on dit, masha'Allah, l'homme. Alors que c'est un homme ennemi de la sunna. Et en plus, il dit de ses paroles sur les savants, il a dit, où sont les savants? Les savants, ils ne sont pas soucieux de votre situation. Les savants sont, sur leur climatiseur, en train de se goinfrer avec des poulets rôtis. A'oudu billah. Et je vais te conter une histoire qui te montre que les savants portent le souci de cette communauté. Et remédier à certains problèmes de cette société. Des gens de cette société qui sont très loin de l'eux. Fois deux du'at il Allah, ils étaient au fin fond de l'Afrique noire. Ils sont partis d'Arabie Saoudite. Et ils avaient leurs vêtements. Un jour, ils se baladaient dans un village perdu. Ils avaient leur chemin. Une vieille femme, une vieille africaine les a reconnus. À travers. Il a dû faire le pèlerinage. Et il les a reconnus. Il a dit, vous êtes d'où? Nous sommes d'Arabie Saoudite. Ben, vous passerez salam à Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayh. À votre avis, pourquoi il envoie ce salam? Parce que certainement, Cheikh Ibn Baz s'est occupé de sa situation, ou là de la situation de l'insulte de ses petits-fils, ou là, comment il pourra le connaître? Hein? Une autre famille, là-bas, vers l'Andalousie, a eu une catastrophe dedans. On a égorgé son mari, une femme, on a égorgé son mari, on l'a jeté dans un puits. La femme, pour chercher aide, il l'a cherchée auprès du Mufti Ibn Baz, rahmatullah alayh, lui a envoyé une lettre pour l'aider pour les orphelins, nombreux orphelins qu'il a. Et il a demandé à son conseil, est-ce qu'il y a une somme d'argent qui est prévue pour ce genre de cas? Ils n'ont rien vu. Il a dit, alors vous mettez tant d'argent de mon salaire, et vous le verrez directement à cette femme. Hein? Adèle dit, ils ne savent pas la situation dans laquelle vous êtes. Subhanallah. Et les exemples, pour t'en citer, énormes. Hein? Où sont ceux-là? Mais celui que Allah, subhanahu wa ta'ala, a aveuglé son cœur, qu'est-ce qu'il veut qu'on y fasse? On n'y peut rien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous terminions notre vie sur le chemin du compagnon du prophète, en suivant les hommes de science dignes du nom, inshallah, en étant sur leur chemin. وهذا سعيد بن جبير رحمه الله تعالى يقول لأن يصحب ابن فاسقا سارقا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. الله أكبر. هذا الفقه في الدين والفقه للمنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى. Regardez maintenant, Saïd ibn Jubair. Qu'est-ce que Saïd ibn Jubair? Un grand imam parmi les fuqaha, hein? Parmi les grands jurisconsultes de cette communauté, il dit: que mon fils soit en compagnie d'un pervers sunni. Je préfère que mon fils soit en compagnie d'un pervers sunni. C'est mieux pour moi que de le voir en compagnie d'un innovateur, adorateur. Subhanallah. Ça, c'est la compréhension saine qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ses imams. Cette maîtrise de la voix qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, qui les fait agir ainsi et parler ainsi. Il préfère que son fils soit avec un pervers sunnite qu'avec un innovateur ascète qui adore, qui fait des adorations à ne plus finir, qui se rapproche de l'Allah avec des innovations. Et ça, c'est la compréhension saine qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée, de la voix qu'il aime et qu'il agrée. Et il a fait qu'ils soient des remparts contre l'innovation. Et leurs paroles doivent attirer notre attention pour qu'on ne tombe pas dans le chemin de l'égarement et des égareurs. وهذا الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول من أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. من أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وإعانته تكون بأمور تكتير سوادهم ويغتر الناس بهم. ولعل بعض الشباب يظنون في إنسان الخير فيجلس مع أهل البدع فيقع الشباب بسببه في حبالهم. لما؟ فيجب علينا أن نبتعد عنهم. لما؟ كي نتقي الله، كي نقي أنفسنا ونقي أخواننا من أن يقعوا في إمامهم، وكذلك من معاونتهم أن تبيع كتبهم وأشرطتهم، فهذا تعينهم في اقتصادهم وترفع من إمكانياتهم. فكتب، ففيه مطبوعات الآن لإخواننا السلفيين يطبعون كتب وموجود باللغة الفرنسية، وكيف لا يجوز لنا أن نبيع كتب أهل البدع هكذا وأن نعينهم في على حرب السنة. وهذا ما يريده أهل السنة. إذا كان إنسان يقتدي به الشباب ويجلس عند أهل البدع فهذا ما يريده أهل البدع، أن يجالس ومن يأكل معه ومن يخرج معه ومن ذبه من المطعم وكذا. لماذا؟ لأنهم يتصيدون به الشباب يا أخ الإسلام. فيجب أن نحذر، فهذه مكائد وحيل لأهل البدع في هذا الزمان. وسمنت نون فضيل بن عيال رحمه الله تعالى كيدي celui qui aide un innovateur et quelqu'un qui appelle à l'innovation, celui-là, il aide à la destruction de l'islam. Il aide à détruire l'islam. Et comment on peut les aider? Ça peut se faire de plusieurs façons. Quand quelqu'un est aimé des jeunes, et les jeunes reviennent pour lui, et quelqu'un qui est de bien, qui est sur la sunna, etc. Hada, il n'a pas le droit de s'asseoir avec les gens de l'innovation. Pourquoi? Parce que ces jeunes et ces débutants qui le prennent en exemple vont tomber dans le filet des innovateurs. Donc il doit préserver Allah Azzawajal, il doit préserver les droits de Allah Azzawajal, et préver et protéger ces jeunes qui sont derrière lui de ne pas tomber, de ne pas être l'hameçon pour qu'ils tombent, eux, dans le filet des innovateurs. Il ne doit pas. Et les innovateurs, qu'est-ce qu'ils cherchent? Que celui-là qui a un impact sur les jeunes, qu'il soit avec eux. Même, il part avec eux manger un soir dans un restaurant, il vient juste à un cours, etc. Ou là, il le rencontre dans la rue, il est sympa avec, et il discute, etc. Les jeunes le voient de loin, qu'est-ce qu'ils font? Ah non, il n'y a pas de problème. Il tombe dedans. Le débutant, miskin, il ne sait pas faire la part des choses. Il tombe dedans. Et le fait de s'éloigner des gens de l'innovation, de ne pas s'asseoir avec eux, c'est pour se protéger aussi. On n'a pas la science, on n'a pas quelque chose pour nous protéger. Pourquoi aller dans la gueule du loup? Il faut se protéger. Pourquoi aller traîner dans les sites d'Yeltkfirin? pour aller chercher des débats avec les tkfiriyins et avec ceux, et des fois ils ont des connaissances dans leur choubin, ils t'envoient ces choubins, ces ambiguïtés. Pourquoi aller se jeter dans la gueule du loup? Il en est de même. Comment on peut les aider aussi? Maintenant, tu as plein de centres et plein d'organisations ici en Belgique qui éditent des livres. Le fait que les salafis, dans leur bibliothèque, ou là, les salafis propagent ces livres, on est en train de les aider dans leur économie. On leur donne des forces pour combattre la salafia, en propageant leurs cassettes. Certains disent, mais je ne vois rien de ce qu'il y a quand ils font le cours sur la véracité ou autre. Ya akhal islam, si tu vois pas, ceux qui sont devant moi, qui témoignent et qui étaient avec eux, nous disent qu'ils font l'éloge de Hassan al-Banna, de Sayyid Qutb, et des opérations martyrs en Palestine, et certains parmi eux envoient des jeunes vers l'Irak. Ya akhal islam. Il faut faire très attention. Surtout que maintenant, on a plein d'éditions de frères salafis qui se respectent, qui respectent la voix des Puzayel, qui traduisent. La plus ancienne des éditions est celle de Anas. Hein? Celle qui la suit, c'est celle d'Asia. Il y a Dar al-Muslim, il y a Sabil, il y a plusieurs maintenant. En plus, les titres qu'ils ont traduits sont extraordinaires. Et ils ont fait le choix de livres dont a besoin la jeunesse francophone. Hein? Comme Shajarat al-Iman, Cheikh Saadi, l'art de la foi de Cheikh Saadi, comme l'explication de l'Aqida al-Wasitiya de Cheikh Nasser Saadi, rahmatullahi alayh, comme Aqida al-Sunna al-Jama'a de Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, comme le résumé de l'interprétation d'El Kitab Touhid de Cheikh Salah al-Sheikh, comme la description de la prière de Cheikh Nasser rahmatullah alayh, comme l'adhan selon la sunna qu'a traduit notre frère Nabil, dans l'édition Al-Gharras et autres. Il y a de quoi faire maintenant. Il y a une dizaine d'années en arrière, on était d'accord avec vous. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, on a des éditions salafis. Il faut aider ces éditions salafis. Hein? Et même au début, les innovateurs que vous voyez maintenant qui ont la puissance et qui ont le matériel, au début ils volaient le travail de l'édition Anas et de l'édition Asia, que ce soit pour Hisl le Muslim ou là pour Aqidat al-Sunna ou Jama'at Cheikh al-Uthaymeen. Du vol. Subhanallah. Nous devons préserver Allah Azzawajal. Si nous devons mettre notre argent, nous devons le mettre là où on va aider nos frères dans la Sunna. Hein? Et bientôt, vous allez avoir dans l'édition de l'Hadith, au Sul Talata, avec l'interprétation de Cheikh Obaid et l'autorisation de Cheikh Obaid. Vous allez avoir un livre soit salafi, comme il se doit, Cheikh Sulman Rouhaili, avec l'autorisation dans l'édition de l'Hadith. Voir les prières surrogatoires de Cheikh Bazmoun, avec le... Subhanallah. Hein? Il y a de quoi faire maintenant dans les éditions salafis. Hein? Donc, il ne faut pas renforcer l'économie des innovateurs. Hein? Je ne vois rien dedans. Ya Akhal Islam, est-ce que c'est à toi de voir? Ceux qui voient, ce sont les hommes de science. Ce n'est ni toi ni moi. Moi et toi, on doit se préserver. On ne doit pas prendre la position qui ne sied pas à notre place. Hein? Et ça, même si ça fait mal, c'est un conseil, tu dois le prendre, Akhal Islam. Si on ne se conseille pas mutuellement, où est-ce qu'on va? Si on ne se remet pas les uns les autres à notre place, et on accepte, ou on l'accepte les uns des autres, où est-ce qu'on va? Où est le conseil pour Allah? Où est le conseil pour le livre d'Allah? Où est le conseil pour la sunna du prophète, alayhi salam? Hein? Car les croyants sont des gens qui se conseillent. Et les hypocrites, ce sont des gens qui se trahissent. Ils se passent des pommades. Ils se caressent dans le sens du poil. Et derrière, poignardent. Là, il y a Akhal Islam. Et c'est Abdullah ibn Mubarak qui dit « Iyaka an tujalisa sahiba bid'atin » Abdullah ibn Mubarak, qu'est-ce qu'il a contre l'Ikhwan ou la contre Tabligh? Rien. Mais il te dit رضي الله تعالى عنه وارضاه ورحمه الله وهو العالم المجاهد attention ne t'assois pas et ne sois pas en compagnie d'un innovateur d'un da'i à l'innovation, parce qu'il va te tirer vers lui. هذا خطاب إلى المبتدع في تذكير وتحذير. أما التحذير فأن نقول لهم اعلموا أن أعمالكم مردودة عليكم لا يقبلها الله منكم. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. C'est maintenant un avertissement, un message aux innovateurs et ceux qui appellent vers l'innovation pour leur rappeler et pour les avertir contre leurs actes. Et sachez que vos actes vous sont rejetés. Allah subhanahu wa ta'ala ne les acceptera pas de vous. Car Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ramène quelque chose de nouveau dans nos enseignements, il lui sera rejeté. Et celui qui fait une œuvre qui n'est pas dans notre enseignement, ben il lui sera rejeté aussi. Et dans Surat al-Kahf, verset 103-104, il est dit, dites, vous voulez que je vous annonce ceux dont les actes vont partir en vain, comme s'ils n'ont rien fait, ils vont perdre leur œuvre. Ceux qui ont fait beaucoup d'efforts dans ce bas monde, ils croient qu'ils sont sur le bien, alors qu'ils étaient sur la mauvaise voie. L'innovateur, qu'est-ce qui lui arrive? S'il croit que son innovation le rapproche d'Allah et qu'il est dans la sunna. Donc il fait, fatigue. Et quand il arrive au bout, rien. Le bulletin de salaire, il y a zéro point. Hein? Tout se retourne contre lui. فَنَعْلَمْ وَلِيَعْلَمْ مَعْشَرَ الْمُبْتَدِعَ أَنَّهُمْ مُحْرُومُونَ مِنْ التَّوْبَةِ مَا دَامُ مُصِرِّينَ عَلَى بِدْعَتِهِمْ. قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته. وهذا في صحيح الترغيب والترهيب. Faut qu'on le sache. Et que les innovateurs sachent qu'ils sont privés de repentir tant qu'ils s'entêtent sur leur innovation. Et qu'ils défendent leur innovation. Ils s'entêtent sur leur position innovée. Ils sont privés. Il y a un voile entre eux et le repentir. Car Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans l'authentique dial targhib wa tarhib. Cheikh Nas rahmatullah alayh, Allah subhanahu wa ta'ala a jeté un voile entre le repentir et celui qui appelle à l'innovation. Celui qui s'entête dans l'innovation. Jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation. Et après, le voile du repentir va se lever. C'est une situation dangereuse. Qui nous avertit comme ça? Cette parole, il vient de qui? Il vient de celui qui ne parle pas de ses propres passions, qui est Muhammad alayhi salam. Nous devons faire très attention. Et aussi, il faut que nous sachions. لذلك يجب علينا نعلم أن المبتدع إذا مات على بدعته فإنه لا يريد حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحظى بشفاعته. Il faut savoir aussi que l'innovateur quand il meurt sur son innovation, qui s'entête, qui jusqu'à la fin de sa vie sur son innovation, il meurt avec l'innovation, il ne pourra pas être abreuvé du bassin du prophète عليه السلام. Il en sera empêché, éloigné. Il ne pourra pas avoir l'intercession, shafa'at Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est une situation dangereuse et douloureuse dont tout un chacun de nous qui suit quelqu'un dont l'innovation doit réfléchir. Tout un chacun de nous qui suit ses passions ou les passions de son groupe ou les principes fondamentaux de son groupe, il faut qu'il les revoie. Il voit est-ce que ses principes et cette voie sur laquelle il est, est-ce qu'il correspond à la voie de Mohammed alayhi wa sallam ou pas? Yaqul alayhi salatu wa sallam. فيما أخرج الإمام البخاري رحمه الله أنا أفرتكم على الحوض ليرفعن رجال حتى إذا هويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي ربي أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. الله المستعان. Dans ce hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari رحمه الله dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, je serai devant vous le premier, je vous devancerai vers le bassin du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et des hommes vont arriver pour que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, au moment où Rasoul sallallahu alayhi wa sallam va leur donner à boire, une barrière entre eux et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et il dira, Seigneur, mes compagnons. Et il lui sera dit, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. La situation est énorme. Ce qu'ils ont innové après toi. Tu crois que Rafida, ils vont être abreuvés de là? Parce qu'on rafida claque ce hadith sur les compagnons du prophète alayhi salam. Mais est-ce que les compagnons du prophète alayhi salam ont innové ou là c'est rafida qui ont innové? Le hadith il va vers qui? Rafida. C'est eux, ils seront les premiers à être rejetés. Et après, les autres innovateurs, que ce soit le Qadariya, le Mu'tazila, ce qui on décolle, l'école de la raison maintenant, etc. Tous ceux qui sont en tête dans leur innovation maintenant dans le monde contemporain, n'importe qu'ils soient, leur... ben, ils auront cette barrière entre eux et le fait d'être abreuvés. Hein, et le fait de boire du bassin du Prophète, cette boisson, c'est toi que tu bois et après tu n'as plus soif. Une journée difficile, le jour de la résurrection, le jour des comptes. وليعلم معشر المبتدعة أنهم آثمون وعليهم إثم من عمل ببدعتهم إلى يوم القيامة. قال عز وجل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. Donc le innovateur est celui qui s'entête dans l'innovation, qui appelle vers l'innovation, qui sage, un énorme péché sur le dos, et un grand poids sur le dos. Parce qu'il porte son fardeau et le fardeau de ceux qui l'ont suivi dans l'innovation. Il est dit dans Surat An-Nahl, verset 52, ils porteront leur fardeau complet le jour de la résurrection. Et le fardeau de ceux qu'ils ont égarés sans science. La situation n'est pas énorme. La situation est énorme. Il faut qu'on sache où est-ce qu'on va. قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه الإمام مسلم. C'est Rasoul صلى الله عليه وسلم dit celui qui innove une voie dans l'islam. Il aura le fardeau, il aura son fardeau, le fardeau de ce qu'il a innové, plus sur son dos le fardeau de ceux qui l'ont suivi sont diminués de leur fardeau à eux aussi. Eux, ils auront. Mais lui, il aura plus. Il aura le prix de son innovation. Et aussi, quand les gens le suivent, il aura le châtiment de ceux qui l'ont suivi. Sans diminuer du châtiment de ses disciples. Eux aussi, ils auront. La situation, nous devons réfléchir. Nous devons avoir pitié aussi de ces innovateurs parce qu'ils vont vers leur perte. Hein? Pour ça, quand on s'adresse à eux ou quoi que ce soit, essayez de les amener, essayez de lui faire comprendre, d'attirer son attention sur la situation dangereuse selon nos capacités. Mais si on voit que lui, il va nous accaparer avec ses idées, etc., on s'en éloigne pour se préserver. Dans ces cas-là, nous aurions pris le chemin qui va nous épargner, nous, de tomber dans son filet. C'est pour ça qu'en tant que débutant, on doit s'éloigner. On ne doit pas rentrer en litige avec, ni en débat avec. Regardez combien de nos frères, un jour ils sont avec vous et le lendemain ils sont ailleurs. Parce qu'ils n'ont pas de bagage, pas d'immunité. Et ils veulent débattre avec tout le monde. Ils veulent parler avec tout le monde. Ils veulent contrer tout le monde. Certains gars, ils cherchent très loin. Ils disent, pourquoi ce savant ne fait pas un débat avec tel? C'est le tkfiri. Subhanallah. Depuis quand les puiseurs, d'Allah alayhim, se mettent en débat? Depuis quand? Parce que le fait que de se mettre en débat avec quelqu'un, tu lui donnes de l'importance déjà. Hein? Le tête d'Yal Khawarij d'Yal Ibadiyya Amman, un jour, il a voulu faire un débat avec, télévisé avec Cheikh Ibn Baz. Cheikh Ibn Baz, il a de la clairvoyance. Il dit non, laissez tomber. Qu'est-ce qu'il veut, Ada? Il veut se faire connaître à travers quoi? À travers l'éminence de la science. Ibn Baz, rahmatullah alayh. Hein? Pas. Quand il y a eu des débats entre les puiseurs, ils les prennent dans un coin, tête à tête, ou là juste avec deux ou trois personnes. Hein? Mais pas au public pour leur donner de l'importance. Et le fait de vouloir faire des débats en public, ça c'est une voie des innovateurs. Sauf si Il n'en peut pas. On l'a mis devant le fait accompli. Ce cas-là, il défend. Regardez maintenant. Avec le Moustaqilla qui fait des débats entre Shia et Kada et les gens de la Sunna. Combien de gens sont tombés dans Shia maintenant? Regardez notre exemple à Bruxelles ici. Combien? Pourquoi? Parce que des fois, celui qui est en face, parmi les gens de la Sunna, est plus faible. Et l'autre en face, qui est l'un des ennemis des compagnons de protection, il a de la force et de l'audace. Et le commun des musulmans, ce sont des gens qui sont faibles de cœur, des ignorants, ils penchent vers lui. Il leur met de ses tartes et de ses ambiguïtés à ne plus en finir. Subhanallah. Et ce genre de chaîne, on doit la bien coter, comme le manar, qui propage le chiisme, etc., qui est une voie derrière le chiisme. Il y a quelques années en arrière, les chiites utilisaient taqiyya et se cacheraient. Là maintenant, ils sont sentis qu'ils ont le poids, il y a une faiblesse, ils se mettent en avant et ils déclarent très clairement ce qu'ils cachaient il y a une cinquantaine d'années, il y a une trentaine d'années, il y a 20 ans encore, il y a une dizaine d'années encore. Il faut faire très attention à l'islam. فليعلم معشر المبتدعاء أنهم كذلك ملعونون من الله دعاة إلى البدعة والمصرون على بدعهم ملعونون من الله ومن الملائكة ومن الناس أجمعين يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث فيها في المدينة أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين رواه الإمام البخاري. Fasse très attention les innovateurs, ceux qui appellent à l'innovation, ceux qui sont tête dans leur innovation. Ils sont maudits par Allah, par son messager, par tous les gens. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari, rahmatullah alayhi, il dit, celui qui accueille quelqu'un dans la ville de Médine, celui qui fait une innovation, ou dans la ville de Médine, ou qui prend refuge chez lui un innovateur, il a la malédiction d'Allah, la malédiction des gens, la malédiction des anges, et la malédiction de tous les gens. Subhanallah. Même chose, tu défends un innovateur, tu l'accueilles, tu prépares ses livres, tu, etc. Regarde ce qui arrive à la fin. Fais très attention. وليعلم معشر المبتدع أنهم لا يزدادون ببدعتهم إلا بعدا من الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم في المبتدع تحقرون صلاتكم إلى مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية الله أكبر وقال بعض الصالحين ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. Il faut que les innovateurs et ceux qui appellent à l'innovation et ceux qui sont tête dans leur innovation, l'ignorant lui ira, il est ignorant. On l'a égaré, on l'a amené, il ne sait pas. Mais ceux qui sont tête et ceux qui appellent et prêchent l'innovation, etc., qui sont tête, après avoir connu la guidée et l'épreuve, celui-là ne font que s'éloigner d'Allah Azza wa Jal. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari, il a dit, en parlant d'Al-Khawarij, ils étaient mubtadi'a ou pas? Subhanallah. Vous allez négliger votre prière à côté de leur prière. À qui ils parlaient? Aux compagnons. Et pourtant, il leur dit, vous allez négliger. Vous allez trouver que votre prière ne vaut rien en face de la prière d'Al-Khawarij. Et votre jeûne ne vaut rien devant leur jeûne. Mais malgré tout ça, qu'est-ce qu'il a dit? Ils sortent de la religion comme sort la flèche du gibier qu'ils traversent. Quand tu tires un lapin ou là, un lièvre avec ta flèche, bah, cette flèche sort. Par sa force, il sort. Bah, la même chose, Huma. Il n'a pas dit, ouais, il faut le bien. Il prie bien. Il lise bien le Coran. Itatati, itabatata, comme on dit, nous, maintenant. Hein? Mais regarde, qu'est-ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'il. Plus on s'entête dans son innovation, plus on avance dans son innovation, plus on accomplit des actes innovés, plus on s'éloigne d'Allah Azza wa Jal. Et certains pieux, Ridwanullahi alayhim, on dit, comme il est rapporté par Ibn al-Qayyim dans Sifat Safwa, il dit, L'innovateur, ce qui appelle à l'innovation, dans ses efforts, dans l'innovation, ne fait que s'éloigner d'Allah. La distance qu'il éloigne d'Allah, subhanahu wa ta'ala, augmente. فالنجات أخ الإسلام في التمسك بالسنة وما كان عليه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et le fait d'être épargné et de gagner dans ce bas monde et dans l'au-delà, c'est le fait de se cramponner à la sunna et à la voie sur laquelle étaient les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام. Rasoul صلى الله عليه وسلم a dit, comme il est rapporté dans le Mustadrak et dans le Tirmidhi, où le hadith حسنه الشيخ ناصر رحمة الله عليه. وتفترق هذه الأمة أمتي على 73 فرقة على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Donc il faut, pour être sauvé, il faut se cramponner à la voie de nos plusieurs, والله أعلم. Au livre d'Allah et à l'authentique de la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام, selon la compréhension et la voie sur laquelle étaient les compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام. Rasoul صلى الله عليه وسلم, dans ce qui a été authentifié par Sheikh Nasser dans son commentaire sur ce Sunan Tirmidhi, et le hadith est rapporté dans le Mustadrak et dans d'autres et chez d'autres imams de la Sunna, que cette communauté va se diviser sur 73 voies, 73 sectes, tous en enfer sauf une, celle qui est sur la même voie que Mohammed Ali Sattu Salam et ses compagnons. Là encore une fois j'attire l'attention, pas tous ils vont être éternels au feu de l'enfer. Loin de là, ceux dont l'innovation et des domaines de la mécréance et de l'associationnisme, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas l'associationnisme ni la mécréance. Donc ceux-là, ils vont être éternellement au feu de l'enfer. Ceux dont l'innovation et la divergence avec le prophète alayhi salatu wasalam n'est pas des domaines de l'associationnisme et de la mécréance, ceux-là sont ceux, le vouloir d'Allah. Allah, il veut les châtier, il va les châtier. Allah, il veut leur pardonner, il leur pardonnera. S'il les châtie, c'est justice min Allah. S'il leur pardonne, c'est un bienfait min Allah Azza wa Jal, avec lequel il comble qui il veut. Que ça soit clair. Que les gens de la Sunna ne rendent pas mécréants les musulmans avec ce hadith, loin de là. Qu'on arrête de mentir sur salaf radhiyallahu alayhim et sur la voie de nos pieux radhiyallahu alayhim. Point. C'est maintenant aux alentours ici, certains libraires, ils disent que les gens d'Al-Furqan rendent mécréants les musulmans. A'oudou billah. Depuis quand vous avez, donnez-nous une preuve, comme quoi les frères d'Al-Furqan rendent, ou laissent ceux qui les visitent, ceux qui donnent cours chez eux, ont émis une sentence de mécréance. Ils ne nous appartiennent pas à nous, ni à nos frères du centre d'Al-Furqan, de dire de quelqu'un il est mécréant. Tout ça doit revenir à un juge musulman, à un homme de science, à une éminence de science. Subhanallah. Mais les gens de l'innovation, comme ils voient que la voie des puissants d'Allah, elle perce et avance, malgré le peu de moyens, malgré qu'ils ne sont pas nombreux, etc., ils essayent de casser le chemin, de mettre des barrières, et de faire peur aux jeunes. A'oudou billah. Allah subhanahu wa ta'ala, intubitna wa iyakum. صلى الله سبحانه وتعالى أن يخذلهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم. وقال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواشد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إي رسول الله صلى الله عليه وسلم nous a dit aussi pour montrer ce chemin auquel il faut se cramponner. Dans le hadith d'Al-Irbad ibn Sari, à la fin, quand il a cité les divergences et tous les partis qui vont exister, toutes les idéologies, etc., il a dit, et pour en sortir, il a donné le remède. Ce Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a toujours agi avec la communauté ainsi. Il leur a montré les maladies et le remède contre cette maladie. Et il a dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, cramponnez-vous à ma sunna. Il y a la sunna du khalif bien guidé. Mordez dessus avec vos molaires. Et faites attention à toutes aux innovations, les innovations dans la religion, et que toute innovation est un égarement. Et la voix de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, la voix d'Abu Bakr, la voix de Omar, la voix de Uthman, la voix de Ali, la voix de tous les compagnons, celle, il est identique, il est la même, c'est celle qui porte cet étendard, qu'a dit le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, la voix sur laquelle je suis moi et mes compagnons. c'est celle qui porte cette étiquette de cette parole de Imam Malik que nous avons vu tout à l'heure, ce qui n'a pas été une religion hier et ne sera pas une religion aujourd'hui. C'est celle qui porte cette étiquette de la parole de l'imam Malik, rahmatullah alayh, ne fera le bien de la fin de cette communauté que ce qui a fait le bien du début de cette communauté. Il est la même. Il est la même depuis Muhammad alayhi salatu wassalam jusqu'aux derniers imams de notre communauté, aux derniers qui ont vécu à notre époque. Ibn Baz, rahmatullah alayh, Cheikh al-Albani, ont appelé à cette même voie-là. Et ceux qui vont venir après, et ceux qui sont vivants actuellement, Cheikh Rabi Habidallah Ta'ala, Cheikh Abdel Mohsin Labbad, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Abdel Aziz Al-Sheikh, Cheikh Salah Al-Sheikh, Cheikh Ubaid, et autres. Ils sont nombreux, pas seulement en Arabie Saoudite, en Inde, et un petit peu au Yémen, et un petit peu à travers la planète. Leur voix est identique. Leur voix correspond. Leur voix va de pair avec cet emblème du groupe sauvé, qui est la voix sur laquelle je suis, moi et mes compagnons. Et qui va de pair avec cette recommandation du prophète alayhi salatu wassalam, cramponnez-vous à ma sunna et à la sunna du Khalid bien guidé. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension de cette voie. Que Allah subhanahu wa ta'ala dissipe le nuage des ambiguïtés de nos cœurs et de nos esprits. Pour voir clair cette voie-là. Qui est claire et facile. فهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول إياكم والتبدع والتنطع وإياكم والتعمق عليكم بالعتيق رضي الله عنه وارضاه الله ابن مسعود de nous dire attention à l'innovation, attention au fait d'aller aux extrêmes et de rejeter sévèrement, etc. Hein? Et cramponnez-vous à la voie ancienne, à la première voie qui est la voie de Muhammad عليه الصلاة والسلام et de ceux qui ont parlé. Et les imams qui suivent leur plusieurs d'Allah alayhim, qui sont venus après Abdullah ibn Mas'ud, que ce soit tabi'in ou tabi'in et les autres, ont fait de même. On fait de même. Ils ont donné les mêmes conseils qu'Abdullah ibn Mas'ud et les autres compagnons du prophète alayhi sallam. Wa yaqulu ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, man kana mustannan falyastanna biman qad mat, fa inna al-hayya la tu'manu alayhi al-fitan. لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا والله أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. Et écoutez cette noble parole d'Abdullah ibn Mas'ud. Et que ce soit les paroles d'Abdullah ibn Mas'ud et de tous les compagnons du prophète alayhi salam. Wallahi, ça doit être les règles et les fondements sur lesquels nous nous orientons. Ça doit être partant des paroles des compagnons du prophète alayhi salam. Et de ceux qui les suivent à la perfection, ça doit être ça nos fondements. Parce que ce sont des paroles dont l'origine, c'est une explication saine et avenante de la parole d'Allah et de l'authentique de la sunna des prophètes. Écoutez cette parole rapportée par l'imam Darimi et par d'autres. Dit, celui qui veut prendre comme exemple, qu'il prend les morts comme exemple. Qu'il prend ceux qui sont morts comme exemple. Car le vivant, il n'est pas épargné de la perturbation. Et il dit cela, ce sont les compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam. Il nous demande de prendre. Hein? Il dit par Allah, ils étaient les meilleurs et les plus nobles de cette communauté. Ils avaient des cœurs dévoués. Qui? Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Dévoués pour Allah. Ils avaient une science profonde. Ils étaient ancrés dans la science, enracinés dans la science. Ils s'imposaient peu de ce bas monde. Ils s'imposaient rien dans la religion. Tout était facile pour eux, tout était aisé. Hein? Ils ne vont pas aux extrêmes. Des gens que Allah subhanahu wa ta'ala soit pour accompagner son prophète et pour accomplir sa religion, reconnaissez-leur leur vertu et leur place et suivez-les. Et cramponnez-vous selon vos capacités et tant que vous pouvez à leur comportement et à leur religion, car ils étaient sur la voie droite. Et c'est un noble conseil de cet imam. C'est un noble conseil de cet imam. Voyons vers quoi? Vers la source. Les compagnons du prophète, alayhi salam. C'est eux les jalons sur la route. C'est eux les emblèmes de la vérité. Et ceux qui les suivent à la perfection jusqu'à la fin des temps. فصحابة رسول الله كانوا أفضل هذه الأمة وبرا قلوبا وأعمق علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه حبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. Les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام, par Allah, ils étaient les plus nobles de cette communauté. Ils étaient les plus dévoués au niveau de leur cœur à Allah Azza wa Jal. Ils avaient la science profonde. Ils s'imposaient peu de ce bas monde. Ils n'allaient pas aux extrêmes dans leur religion. Des gens que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour accompagner son messager alayhi salatu salam et pour accomplir cette religion. Le fait de les aimer fait partie de la religion. Le fait de les aimer fait partie de la foi. Le fait de les aimer, c'est une bienfaisance. Et le fait de les détester, c'est une mécréance, une hypocrisie et dépasser ses limites. Et Abdullah ibn Mas'ud était l'un de ceux-là, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Yaqulu alayhi salatu wa salam, min durusihi fil hatti ala salati al jama'a, wa ala al muhafadati ala salati fil jama'ati, wa fil masajid. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, fait partie de ces nobles hommes. Et il donne cette leçon à la communauté. Cette leçon pour préserver la prière dans le groupe et dans les mosquées. يقول رضي الله عنه وارضاه من صره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيوته في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم. Il nous dit, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, pour nous inciter, pour inciter les musulmans et la communauté de l'islam à accomplir les prières et à préserver les prières en groupe et dans les mosquées. Il dit, radiyallahu anhu wa ardah, celui qui veut être réjoui demain en rencontrant Allah azza wa jal et en rencontrant Allah en étant soumis à Allah azza wa jal, qu'elle préserve ses prières là où on appelle à ses prières. Où on appelle aux prières? On appelle vers ces prières, à la prière à la mosquée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala légifère pour votre prophète des sunan et des voies fortement recommandées. Sunan de la guidée. Fortement recommandées, du domaine de l'obligatoire. Et le fait de préserver la prière en groupe, c'est fortement recommandé. Il fait partie du six sunan obligatoire. De ces voies obligatoires. Et si vous priez dans vos maisons, comme prie celui qui s'absente de la jama'a dans sa maison, vous allez délaisser la sunna de votre prophète, alayhi salatu wassalam. Et si vous délaissez la sunna de votre prophète, alayhi salatu wassalam, vous allez vous égarer. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Si vous priez chez vous, comme prie celui qui s'absente de la jama'a, vous allez délaisser la sunna de votre prophète alayhi salatu salam. Et si vous délaissez la sunna de votre prophète alayhi salatu salam, vous allez vous égarer. Radiyallahu anhu wa ardah. Hein? Il veut le conseil de la communauté. Il veut orienter la communauté vers ce qui est mieux pour elle. Et ce qui va être bénéfique pour elle le jour de la résurrection. Wa ma min rajulin. يقول رضي الله عنه كما في باقي الحديث كما أخرجه الإمام مسلم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد لا كتب له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. ورأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، أي لأداء صلاة الجماعة، وصية نحن في أمس الحاجة إليها. فالمساجد تشتكي إلى الله من قلة المصلين فيها. Il dit radiallahu ta'ala anhu, dans la fin de ce hadith rapporté par l'imam Muslim, et tout homme qui fait l'odo chez lui, et qui perfectionne son odo, et qui prend le chemin vers la mosquée, vers une des mosquées d'Allah Azza wa Jal, chaque pas qu'il fait, il le sera transcrit comme hasana. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'élèvera d'un degré, et lui enlèvera une sayi'a, une mauvaise œuvre. Et il a dit, nous nous sommes vus. Nous avons vu nous et les compagnons. C'est-à-dire tous les compagnons du prophète sont du même avec lui que n'est absent de la prière du groupe qu'un hypocrite, qui est connu pour son hypocrisie. Ah, c'est la parole d'Abdullah ibn Mas'ud. Et il dit, nous avons vu et nous voyons, c'est-à-dire les compagnons. C'est-à-dire ils étaient unanimes sur cette vision des choses. Comme quoi, celui qui s'absente de la prière en groupe, c'est un hypocrite ou quelqu'un qui est reconnu avec l'hypocrisie. Et il dit, l'homme malade, on voyait que certains hommes malades, on les ramenait, on les portait, un homme à droite et un homme à gauche, on les traînait jusqu'à les mettre dans le rang pour qu'ils assistent à la prière. Ainsi ils avaient, ainsi ils donnaient l'importance à ce point-là à l'islam. Et nous avons besoin de ce conseil d'Abdullah ibn Mas'ud. Nous avons besoin de ce rappel d'Abdullah ibn Mas'ud. La communauté, on a besoin. Les mosquées se plaignent à Allah Azza wa Jal du vide. Hein? T'imagines dans certaines prières, comme Salat al-Fajr, tu trouves l'imam tout seul à la mosquée. Ou deux personnes, c'est toujours les mêmes. Hein? Subhanallah, dans certaines mosquées, on voit les personnes âgées, on ne voit pas les jeunes. Et pourtant, la nuit, il la passe sur, à papoter sur Internet et à faire n'importe quoi. Alors qu'il fait partie de la Sunna, et comme les décrets qu'ont donné les gens de la Sunna, comme Cheikh Ibn Baz, rahmatullah, il l'a dit, même si tu es en train d'étudier la science, tu vois que ça va t'empêcher à te relever pour faire Salat al-Fajr, ben tu ne le fais pas, tu vas dormir. Ihna, les mains sur le clavier jusqu'à 3 heures du matin, ou jusqu'à l'heure d'Al-Fajr, il tombe. Une demi-heure avant le Fajr, il dit, attends, je vais fermer les yeux 5 minutes. Il se réveille à 10 heures du matin. Et une fois que Shaitan, hein, a pris ses oreilles comme des toilettes, il est ruiné dedans, comme il a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Nous avons besoin de ce genre de rappel. Parce que, mon petit, il faut que nous préservions. Et tout jeune, qui est digne, qui veut être digne de la sunna du prophète alayhi wa sallam, qui se dit de la, suivre la poids de ses plus élèves, doit préserver la prière en groupe. Il doit la faire à l'heure. Il doit être dans le premier rang. Moi, il en est des fois, même des jeunes arrivent au début de la prière à la mosquée. Mais au lieu de rentrer à la mosquée, ils restent à papoter et à dire n'importe quoi dehors. Il y a les tigés. Et là-bas, les awam, ils ont pris les rangs du milieu, et ils ont même dit Allahu Akbar, parce que Birat al-Ihram, ils sont encore en train de discuter dehors. Subhanallah. Ils viennent, gars, ils font l'odo chez lui, ils viennent, ils restent à papoter devant l'eau. Subhanallah, ya akhal islam. Rentre. Et fais tahiyat al-Masjid. On tend la danne, réponds à la danne, comme ça tu auras la récompense. Il fera du'a al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, tu vas avoir les récompenses de ceux qui font le dua à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam après l'adhan. Et ainsi de suite. Hein? Et pour papoter, t'as du temps pour papoter. Et en plus, papoter pour papoter, ça sert à rien. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, dire, ils ont dit, nous avons dit, ils ont dit, nous avons dit. Et des fois, notre dire se transforme à déformer les paroles. Donc, qu'est-ce qui arrive? On est sorti de la maison pour acquérir des hasanats. On revient avec un panier de péché. Tu comprends quelque chose? Subhanallah. Shaitan, il vient et nous devons faire très attention. فهذه الموضوع الموعظة لابن مسعود رضي الله تعالى ومن أين أخذها ابن مسعود يا أخوة الإسلام أخذها من كتاب الله ومن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام cette exhorte et cette leçon que vient de nous donner عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى d'où il l'a prise il l'a prise du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام قال عز وجل في كتابه يأمر المسلمين بأداء الصلاة في المساجد قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين واركعوا مع الراكعين الله سبحانه وتعالى pour donner aux gens d'accomplir la prière dans les mosquées d'Allah عز وجل et en groupe accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat et faites vos genoux flexion avec ceux qui les font اركعوا مع الراكعين cette phrase là اركعوا مع الراكعين Cheikh Ibn Baz et beaucoup des imams de cette communauté font c'est اركعوا مع الراكعين C'est l'obligation, c'est leur preuve pour dire que c'est obligatoire de faire la prière en groupe. وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار et l'autre verset l'autre parole d'Allah Azza wa Jal et ce verset la traduction approximative nous dit des maisons et les des maisons d'Allah Azza wa Jal où Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné qu'on invoque dedans et que son invocation soit élevée dedans soit accomplie dedans et que son nom soit invoqué dedans Dans ces maisons, dans les mosquées, des gens glorifient Allah, Azza wa Jal, matin et soir. Des hommes qui ne sont pas détournés avec un commerce, ni avec la vente, ni avec l'achat de l'invocation d'Allah, Azza wa Jal, avec le fait et d'accomplir la prière. Rien ne les détourne, ni le commerce, ni les choses de ce bas monde ne les détournent d'invoquer Allah et d'accomplir la prière. Et de s'acquitter de la zakat, ils ont peur du jour où ils vont se retourner vers Allah Azza wa Jal. Ils ont peur du jour de la résurrection. Ils ont peur du jour où leur petite résurrection va commencer. C'est-à-dire, le jour où ils vont se retrouver devant leur tombe. فالإسلام لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا معذور أو امرأة أو منافق والصبيان n'est absent de la prière en groupe que quelqu'un qui a une excuse valable et les femmes les hypocrites les enfants dont la prière n'est pas obligatoire جاء رجل أعمى اسمع يا أخي الإسلام رجل أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله لا أجد قائدا يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أتخلف عن صلاة الجماعة فقال له رسول الله أتسمع النداء قال نعم قال صلى الله عليه وسلم فأجب رواه الإمام مسلم أنا فقل أنما فقل يبني بها البروفة عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله je ne trouve pas de guide pour m'amener à la mosquée Est-ce que j'ai une autorisation pour ne pas venir à la prière du groupe? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu entends la dame? Il lui a dit, oui, ya Rasoulallah. Il lui a dit, donc, réponds. Réponds à l'appel. Donc maintenant, tu vas te nous chercher des ambiguïtés. Mais moi, je suis en Belgique, je suis en France, je n'entends pas la dame. Yak, et tu n'entends pas la dame, parce qu'on n'est pas dans un pays musulman, yak. Et donc, Les états de ces pays nous interdisent l'adhan, donc on a autre chose qui nous donne les horaires de l'adhan. Hein? Et donc, c'est pas une excuse pour s'absenter. Beaucoup ramènent ces ambiguïtés. La mosquée, elle est là. Un imam ratib, elle est là. Il y a un adhan, bon, il se fait à l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut pas aller à l'encontre. Ils l'ont interdit. Maintenant, on va interdire de nous parler aux mosquées, alors. Donc s'ils ont interdit la danne, nous on ne vient pas faire salat al-jama'a et salat al-jumu'a. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ces compréhensions? كذلك من مواعظه رضي الله عنه وارضاه انه يحذر المسلمين من الافتتان بالدنيا الفانيه يقول ابن مسعود رضي الله عنه الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له هذا في مصنف مسند امام احمد ومصنف ابن ابي شيبه إيه Parmi les leçons à retenir d'Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, ce qu'il disait pour avertir les gens pour ne pas être perturbés des choses de ce bas monde, avec les choses de ce bas monde. Courir et utiliser les moyens licites pour subvenir à son besoin et aux besoins de sa famille, ça c'est demandé. Mais il ne faut pas que ça nous empêche d'accomplir les droits d'Allah Azza wa Jal. Ça nous fasse oublier les droits d'Allah Azza wa Jal. C'est là la perturbation. Ibn Mas'ud de nous dire, le hadith il est rapporté dans le Musannaf d'Yal ibn Abi Shayba et dans le Musnad d'Yal Imam Ahmed, dit, ce bas monde est la maison de quelqu'un qui n'a pas de maison. Ce bas monde c'est la maison, c'est dunya, ce bas monde, la maison qui n'a, de quelqu'un qui n'a pas de maison. C'est-à-dire, s'il a cours, derrière ce bas monde, ben il le fait au détriment de l'akhira, donc il n'aura pas la maison éternelle. Hein, t'as compris? Et c'est la fortune de quelqu'un qui n'a pas de fortune, c'est l'argent de quelqu'un qui n'a pas d'argent. Ce qui va être bénéfique dans le delà, ben tu ne l'auras pas, tu l'auras perdu dans ce bas monde. Et pour ce bas monde, amasse celui qui n'est pas doué de raison. Et celui qui est doué de raison, il amasse pourquoi? Il œuvre une œuvre qui va lui servir dans le delà. Tout en prenant ce qu'il doit prendre de ce bas monde. Hein? Il y a un juste milieu dans la situation. Et Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam nous a enseigné à toujours être dans le juste milieu. Ni un penchant, ni laxiste, ni extrémiste. Le juste milieu dans tout. وقال رضي الله عنه ما من يوم إلا وملك ينادي ابن آدم قليل يكفيك خير من كثير يطغيك إلى دي رضي الله تعالى عنه وارضاه chaque jour qui passe il y a un ange qui appelle et qui dit oh enfant d'Adam peu de choses qui te suffisent qui arrivent à combler tes besoins sont mieux que beaucoup de choses qui vont te faire dépasser tes limites. C'est une noble parole. Combien de nos frères étaient bien quand ils avaient juste de quoi vivre, de quoi visiter leur famille, de quoi de temps en temps faire un voyage et aller visiter les leurs, etc. Et maintenant, ils sont baignés par les choses de ce bas monde. Regardez où est-ce qu'ils sont. Ils ont dépassé leurs limites. Hein? Ni prière avec le groupe, ni ceci, et beaucoup de choses. Et les exemples sont autour de toi nombreux à l'islam. Donc c'est un noble conseil d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Wa yaqul radiyallahu anhu man arada ad-dunya adarra bil-akhirah wa man arada al-akhirata adarra bid-dunya ya qaum fa'adirru bil-fani lil-baqi fa'adirru bil-fani lil-baqi. Et écoute ce noble conseil. Dit celui qui veut ce bas monde, son but que ce bas monde, bien sûr, il va perdre l'au-delà. Il va faire du mal à son au-delà. Et celui qui veut l'au-delà, il va faire du mal à son bas monde. Et il dit aux gens, faites du mal à ce qui va disparaître au détriment de celui qui va rester, de l'éternité. Faites du mal à votre bas monde au détriment de l'au-delà. C'est-à-dire, mettez en avant l'au-delà, avant ce bas monde. Et ceci ne veut pas dire qu'il faut que tu ne subviennes pas à tes besoins, etc. Loin de là. Loin de là. Mais tout en agissant ainsi, il faut que tu œuvres pour l'au-delà. Il ne faut pas que tu oublies les obligations d'Allah. faut pas que ce bas monde l'emporte sur l'au-delà. Et combien de commerçants dans l'islam étaient des gens vertueux? Hein? Combien? Des énormes fortunes, mais ils étaient vertueux, respectés. Ils accomplissaient le droit d'Allah Azzawajal et plus que le droit d'Allah Azzawajal dans leur fortune. Ibn Mubarak était un imam et il avait de la fortune. Et il dépensait fisabilillah. Et il sortait dans le combat sur le sentier d'Allah Azzawajal. Et quand il fait le pèlerinage, il amenait plusieurs personnes à faire le pèlerinage sur son compte. Et pourtant, c'est un imam de la communauté dans la science. Ce bas monde ne l'a pas aveuglé à prendre le chemin qui lui ramène l'agrément d'Allah Azzawajal. Et beaucoup parmi les imams de cette communauté. ويقول رضي الله عنه وارضاه أنتم أكثر صياما وأطول صلاة وأكثر اجتهادا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كانوا خيرا منكم. قالوا لما يا أبا عبد الرحمن؟ قال هم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. écoute cette noble parole. Tu dis pour que tu comprennes où sont les compagnons du prophète A.S. et où sommes-nous et comment ils sont arrivés à ce stade et à ce degré d'élévation dans la communauté humaine après les prophètes A.S. Il dit radiyallahu ta'ala anhu arda, vous faites plus de jeûnes, vos prières sont plus longues, vous faites plus d'efforts que les compagnons du prophète A.S. Pourtant ils sont mieux que vous. Pourtant ils sont mieux que vous. Ils lui ont dit, Abba Abdelrahman, pourquoi? Pourquoi ils sont mieux que nous? Pourquoi nous avons plus de prières, nous recevons plus de jeûnes, nous faisons plus d'efforts, et les compagnons du prophète A.S. sont mieux que nous? Et il a dit, parce que cela, ce bas monde leur importait peu, mais ils avaient plus envie de l'au-delà. Ils négligeaient pas le droit d'Allah alayhim, leur part de ce bas monde, le fait de subvenir à leurs besoins, le besoin de leur famille, etc. Loin de là. Mais ce qui prenait, qui avait la suprématie chez eux, c'est ce qui les attend chez Allah Azza wa Jal. Donc même dans leur recherche de leur bas monde, ils cherchaient l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Ils le faisaient de la sorte pour avoir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, la récompense min Allah Azza wa Jal. فَلِنْشِغَالُ بِالدُّنْيَا وجمعها أضر بالأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والحديث في السلسلة الصحيحة. Donc le fait de s'acharner sur ce bas monde, il a fait beaucoup de mal à cette communauté de l'islam. Comme il l'a annoncé à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, si vous commercez avec, en déguisant riba, en donnant des formes à riba, et en faisant rendre riba comme quoi en lui donnant un aspect licite. Et que vous êtes content de ce bas monde, et vous accourez derrière ce bas monde, jusqu'à ce que ce bas monde, votre course derrière ce bas monde, vous fasse oublier les obligations d'Allah Azza wa Jal. Et il a cité un parmi tant d'autres obligations qui sont oubliées. Et le combat sur le sentier d'Allah Azza wa Jal. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il vous avilera, vous rendra au plus bas degré. Et il vous allez avoir la suprématie, relever la tête et avoir l'honneur et la suprématie. Une fois que vous revenez à votre religion. Une fois que vous revenez à votre religion. Faites très attention à ça, votre religion. C'est-à-dire, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé, il a dit, votre religion là, ni moi, ni toi, ni les fondateurs de ces groupes éclatés étaient là. Mais ceux qui étaient là, Abu Bakr, wa Omar, wa Uthman, wa Ali, wa Muawiyah, wa Abu Huraira, et les compagnons du prophète, alayhi wa sallam. Donc, jusqu'à ce que nous revenions, nous voulons sortir dans la bassesse dans laquelle nous baignons maintenant, et les maladies qu'il y a dans ce hadith sont monicorantes maintenant, les gens déguisent riba, ils lui donnent un aspect de halal, alors que c'est haram. Ils accourent derrière ce bas monde, ils sont contents du confort qu'il y a dans ce bas monde, ils sont bien dans leur babouche comme ils disent. On est dedans. Comme chez Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, viens avec nous. Et donc, on est au plus bas degré de la communauté, des communautés qui existent sur terre maintenant. Quel poids a la communauté musulmane? Walou. Comment sortir de là? Revenir à la religion sur laquelle était Mohammed alayhi salam, revenir à cet emblème du groupe sauvé qui est la voie sur laquelle j'étais moi et mes compagnons. On reprendra tout à l'heure après Salat al-Maghrib, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum.